On y va pour les gros nichons ? Ouais ! On n'aime pas les œufs au plat, ni les planches à repasser. Nous, on veut du Vanderbrat, ouais, de beaux obus à baiser. Ils sont souvent raplapla, les nénés de nos nanas. On rêve de Robert d'enfer, ouais, qui pointe sous leur pullover. Ouais. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En porc, en poire, au valouron, faut du volume sous le téton. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons. Bonnet A, de bonnet B, oh libérer les décolletés. Naturel ou siliconé, on éteint des gros tétés. Roplo, plo, jolie mamelle, au débordé d'ondes et dentelles. Méganibar à l'appel, ouais, vous nous rendez la vie belle. Et vive, les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En pomme, en poire, au valouron, faut du volume sous le téton. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons. Les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En pomme, en poire, au valouron, faut du volume sous le téton. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons.